Lettre 40e, Evelina à Monsieur Villard. Londres, 6 juin. Je vous écris de nouveau, mon cher monsieur, de cette grande ville. Hier matin, j'ai eu la douleur de quitter nos amis de Howard Grove, et il me tarde déjà de les revoir. Lady Howard et Madame Mirvan prirent congé de moi, en me donnant les preuves les plus flatteuses de leur affection. Les adieux de Marie étaient déchirants, que cette séparation nous parut dure. J'ai promis à cette excellente fille de lui écrire régulièrement par chaque courrier. Je mettrai dans cette correspondance la même franchise et la même confiance dont vous me permettez de faire usage dans la nôtre. Je n'ai pas à me plaindre du capitaine, il m'a traité avec honnêteté, mais il n'a pas à discontinuer de se quereller avec Madame Duval jusqu'à la dernière minute. Au moment où j'allais monter en voiture, il me tira à part et me dit « Écoutez, Miss Anville, j'ai une grâce à vous demander. » C'est de nous marquer mot à mot ce que la vieille Française dira lorsqu'elle saura que tout ceci n'a été qu'un jeu. N'oubliez pas non plus de nous donner des nouvelles de ce gros lourdeau de Dubois. » Je lui répondis que je ferais mon possible pour le satisfaire. Mais cette commission me déplaît beaucoup, et je m'en acquitterais mal. Je ne suis pas faite au métier de rapporteur, et je ne suis guère tentée de me mêler des extravagances du capitaine. Dès que nous fûmes partis, Madame Duval exprima son contentement dans un monologue que je vais vous transcrire. « Dieu soit loué, m'en voici dehors. Quel séjour que ce Howard Grove. Non, jamais je n'y retournerai. Trop heureuse d'en être échappée saine et sauve, car depuis le moment où j'ai mis les pieds dans cette maison, il n'y a sorte de guignon que je n'ai éprouvé. D'ailleurs, c'est bien l'endroit le plus triste qui puisse exister dans toute la chrétienté. Nul divertissement, nul plaisir. » À cette exclamation succédèrent des plaintes amères sur le sort de M. Dubois, et des conjectures sur l'accident qui lui était arrivé occupèrent Mme Duval pendant tout le reste du voyage. Je lui demandai dans quel quartier de Londres nous logerions. Elle me répondit qu'elle avait chargé M. Branton de nous chercher des chambres et qu'elle lui avait donné rendez-vous dans l'auberge où nous descendrions. Le cocher nous mena donc dans le Bishopsgate Street, où nous trouva M. Branton. Il nous reçut poliment, mais il marqua quelque surprise de me voir arriver avec sa tante. Il ne savait pas que je serais du voyage. Madame Duval ne tarda pas à s'expliquer à mon égard. « Il faut que vous sachiez, dit-elle à M. Branton, que je me propose d'emmener cette jeune fille à Paris, pour lui faire voir le monde et pour la former un peu. D'ailleurs, j'ai encore d'autres dessins sur elle dont je vous instruirai plus en détail. Mais vous imagineriez-vous que ce vieux curé dont je vous ai parlé quelquefois a voulu la retenir? Je compte cependant qu'il me paiera son refus, car je partirai avec elle sans dire le mot à personne. » J'étais stupéfaite d'une pareille ouverture. Mais toujours suis-je heureuse d'avoir découvert les sentiments de Madame Duval. Je prendrai mes précautions en conséquence et je me garderai bien de la suivre hors de ville. Après ces préliminaires, elle fit à M. Branton le récit d'une grande partie des événements qui ont rendu son séjour à Howard Grove si remarquable. L'aventure du vol, comme vous pensez, ne fut point oubliée. Elle donna lieu à une explication. M. Branton assura sa tante que depuis son départ, M. Dubois n'avait point quitté Londres, qu'il était logé chez lui, et qu'il n'avait point été en prison, que même il n'était arrivé aucun accident de cette espèce. Ces informations lui ouvrirent les yeux tout d'un coup et elle commença à se persuader que toute cette aventure n'était qu'un jeu inventé par le capitaine. Là-dessus, des emportements horribles. Elle me fit un millier de questions l'une sur l'autre. Mon embarras était visible, mais sa colère ne lui permit pas d'y faire attention. La vengeance fut son premier cri de guerre, et elle résolut de se rendre dès le lendemain chez un juge de paix pour intenter un procès au capitaine. Mr. Branton ayant dit que sa famille et M. Dubois nous attendaient chez lui, on fit avancer un fiacre qui nous transporta à Snow Hill. La maison de M. Branton est petite et incommode, à la boutique près qui est basse et belle. On nous conduisit au second, car les appartements du premier étaient occupés, à ce qu'on nous disait, par un nommé M. Smith. Nous trouvâmes la famille Branton et un jeune homme que je ne connaissais pas. L'accueil que je reçus ne fut pas absolument gracieux, et on ne me cacha point que j'étais un hôte inattendu. M. Dubois m'aperçut d'abord en entrant. « Ah, mon Dieu ! » s'écria-t-il. « Vous voilà, mademoiselle. » Le jeune Branton. « Oh, bonté, oui, c'est Miss elle-même. » « Miss Polly. Je ne me serais jamais douté de sa visite. » Miss Branton, et moi non plus, assurément, sans quoi je ne l'aurais point reçue dans une chambre comme celle-ci. J'en suis vraiment honteuse. Je n'attendais que ma tante seule. Après tout, c'est votre faute, Tom. Vous savez que j'ai voulu demander à M. Smith de nous céder son appartement. Vous m'en avez empêché. Et voilà comme vous faites toujours, grogneur que vous êtes. » Le jeune Branton. « Et quel mal y a-t-il? Ne dirait-on pas que Miss n'a jamais monté à un second étage ?» Je les priais de ne point se déranger le moins du monde pour l'amour de moi, et je les assurais que toute chambre m'était égale. Miss Polly. « Eh bien, la première fois que vous reviendrez, Miss, nous vous recevrons dans la chambre de M. Smith. Elle est au premier, très jolie et très bien meublée. » Miss Branton. « À dire vrai, je ne m'imaginais pas que la cousine viendrait nous voir en été. Cela n'est pas du bon ton et vous ne pouvez pas nous quitter décemment qu'en septembre après l'ouverture des théâtres. » Telle fut la réception que me fit, et je suppose, monsieur, que vous ne la trouvez pas exactement cordiale. Madame Duval gronda sévèrement M. Dubois de ce qu'il avait négligé de lui donner de ses nouvelles. Après quoi, elle se mit à conter l'histoire de ses malheurs, ce qui attira l'attention de toute la compagnie. Ce récit produisit des impressions très différentes. M. Dubois l'écouta en frémissant, et il l'interrompit à tout moment par les gestes et les exclamations les plus lamentables. Les jeunes demoiselles semblèrent s'intéresser véritablement à leur tante, mais le sieur Branton, fils, et l'étranger ne firent que s'en moquer. Madame Duval était trop échauffée pour les observer, mais lorsqu'elle dit qu'elle avait été liée et jetée dans un fossé, le jeune Branton ne put se retenir plus longtemps et fit deux grands éclats en protestant que ce conte lui paraissait des plus plaisants. Son ami ne fut pas plus modéré que lui, et leur mauvais exemple entraîna également les demoiselles Branton, de sorte que la pauvre Madame Duval fut entièrement décontenancée et étourdie par les démonstrations d'une joie aussi déplacée. Il y eut un moment de rumeur. D'un côté, Madame Duval était en fureur. M. Dubois avait un air tout ébahi. M. Branton père grondait. De l'autre, ses filles ricanaient, et les deux messieurs qui avaient donné le ton à tout ceci continuaient hardiment leurs éclats. En un mot, cette scène était digne de Bedlam. Ce ne fut qu'avec beaucoup de peine que M. Branton parvint à rétablir l'ordre, moyennant quelques mauvaises excuses qu'il obligea les rieurs à faire à Madame Duval. Elle ne voulut les accepter ni consentir à poursuivre son récit qu'après qu'on lui assurait que ce n'était pas d'elle, mais du capitaine seul qu'on s'était moqué. Cette défaite l'apaisa un peu et elle reprit le fil de son histoire, qu'elle acheva tant bien que mal, non sans qu'il en coûtât bien des efforts aux jeunes gens pour l'écouter avec décence jusqu'au bout. M. Branton, prenant la chose fort à cœur, prouva que le cas était de nature à être poursuivi en justice, et que puisque Madame Duval avait couru danger de mort, elle était en droit de réclamer les dommages qui lui plairaient. Il lui proposa le juge de paix Fielding pour conduire cette affaire. Madame Duval saisit cette idée avec beaucoup d'empressement et déclara qu'elle ne perdrait point de temps pour tirer vengeance du capitaine, dût-il lui en coûter la moitié de son bien. « Car, ajouta-t-elle, quoique je n'estime point l'argent, dont Dieu merci je n'ai pas besoin, je ne souhaite rien de plus que de me venger de ce misérable. Il a une dent contre moi, sans que je sache pourquoi, et depuis qu'il me connaît, il n'a cessé de me jouer toutes sortes de tours. » Après le thé, Miss Branton me confia que l'inconnu que je voyais avec eux était l'amant de sa sœur, qu'il se nommait Brown et qu'il était chapelier de sa profession. Elle me mit au fait de plusieurs autres particularités à l'égard de sa personne et de sa famille, et ne cessa de déclamer contre un parti si peu sortable. Elle alla jusqu'à dire que sa sœur était absolument sans cœur et sans ambition, que de son côté elle aurait préféré 100 fois de mourir fille plutôt que d'épouser un homme qui ne fût pas de façon. « Ce n'est pas, continua-t-elle, que ma sœur fasse grand cas de son amant, seulement elle s'est mise en tête d'être mariée avant moi, et voilà pourquoi elle se presse tant. Mais qu'elle aille son train, je ne prétends pas me mettre dans son chemin, dussé-je n'être jamais mariée. » Je ne fus pas plutôt débarrassée de cette confidente que Miss Polly eut son tour en me révélant les secrets de sa sœur. Elle m'assura, avec un air de complaisance, que celle-ci était extrêmement jalouse de ce qu'elle lui enlevait son droit d'aînesse. « C'est du moins, me dit-elle, ce que je lui fais à croire, car au fond, je ne me soucie pas trop de M. Brown, que je ne trouve pas absolument de mon goût. Qu'en pensez-vous, Miss ?» Je lui fis sentir que je n'étais guère capable de juger du mérite d'un homme que je ne connaissais pas. « Mais encore, vous pouvez me dire quelque chose ?»« Excusez, je n'aime point juger sans connaissance de cause. » »« Vous paraît-il bel homme, du moins ?» Il y a des gens qui soutiennent qu'il est d'une figure agréable, mais quant à moi, je l'ai toujours trouvé fort laid. N'êtes-vous pas de mon avis, Miss ? Point du tout, il me semble au contraire qu'il n'est pas mal. Pas mal, et je l'espère, s'il vous plaît. En quoi donc aurait-il le malheur de vous déplaire ? En rien au monde, et vous ne m'avez pas comprise. Aussi seriez-vous bien méchante si vous y trouviez à redire. Betty dit, à la vérité, que M. Brown est un homme dont on ne dit rien, mais c'est le dépit qui l'a fait parler. Il faut que vous sachiez qu'elle est furieuse de me voir recherchée avant elle, mais elle est d'une fierté qui chasse tous les amants. Et je lui ai prédit plus d'une fois qu'elle mourrait fille. Le fait est qu'elle s'est mis de l'amour en tête pour un certain M. Smith, qui loge chez nous. C'est un élégant qui ne voudra jamais d'elle, j'en suis d'autant plus sûr qu'il a dit l'autre jour à M. Brown qu'il déteste le mariage. Avez-vous communiqué cette découverte à votre sœur ? Oui, sans doute, mais il n'y ajoute pas foi. Il faut la laisser faire. Si elle a du pain ensuite, tant pis pour elle. Je vis arriver avec plaisir le moment où il fallut nous retirer. M. Brunton nous prévint qu'il nous avait choisi des chambres dans Holborn pour avoir le plaisir de nous conserver dans le voisinage. Il eut la complaisance de nous y conduire. Nous sommes logés assez commodément dans la maison d'un bonnetier. Quel bonheur que je sois si peu connu. Il s'en faut bien que ma situation soit digne d'envie. Tout ce que je souhaite, c'est de ne rencontrer aucune des connaissances que Mme Mirvan m'a fait faire précédemment à Londres. Ce matin, Mme Duval, accompagnée de toute la famille des Brunton, s'est rendue chez un juge de paix pour faire ses plaintes contre le capitaine. On m'a pressé beaucoup d'être de la partie, et je ne l'ai échappé qu'avec peine. J'attendais avec inquiétude le résultat de cette démarche, car je prévoyais qu'elle pourrait susciter à l'excellente Mme Mirvan des embarras fâcheux. Heureusement, l'affaire n'a point réussi. Le juge a représenté à Mme Duval que puisqu'elle n'avait vu ni le visage ni entendu la voix de celui qui l'a attaquée, elle était dépourvue entièrement de preuves et qu'il ne lui restait guère de probabilité pour obtenir gain de cause, à moins qu'elle ne pût produire des témoins. M. Brunton, de son côté, est d'avis que ce procès pourrait devenir long et coûteux et que d'ailleurs le succès en serait douteux. Ainsi, il faut y renoncer. Mme Duval a acquiescé à la décision de ces deux experts, mais non sans murmurer. Elle se promet bien de prendre de meilleures précautions à l'avenir, s'il lui arrivait encore d'être attaqué par des voleurs. Voilà donc enfin cette ridicule affaire terminée sans que nous en ayons des suites plus sérieuses à craindre. Adieu, monsieur. Mon adresse est chez le sieur Damkins, bonnetier, dans le Holborn.